La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ne m'intéresse pas alors. Je suis là, et je suis là, oui, mon rire ne m'intéresse pas moi. Je suis là, oui, je suis là. Faim sans appétit, la fatigue sans sommeil. Et je suis là, oui, feindre la belle vie. La scène prodigue pas de merveille. La sympathie comme un fardeau, chaque sourire comme un mensonge. Les remords en cadeau, les soirs dans mon lit, ça masse les sons. Je me sens lourd, se bouger n'est incongru. Je me sens lourd, ce monde m'a bourru. Je me sens lourd, fainéant, je me sens paumé, mais chiant. Je me sens vraiment déprimant. Rêvant ma vie plutôt vivant, mon rêve est vite dans l'évidence et les faits. Plutôt fermer les yeux qu'être impuissant, éveillé et là. Je suis là, fallait surtout pas capituler. J'ai tout fait pour la vie de ma. Je suis là, et j'étais là, fallait sur le canapé. J'ai tout fait pour la vie de ma. J'étais là, et je suis à ma cesse d'être gentil, sois vrai, me dites à raison ma mère. Alors je dis merde à ceux qui m'ont baisé ou qui y ont déjà pensé. Je me sens. Je suis honnête, combien pollué, je me sens plus que contaminé, débordé. Malhonnête, tant enfermé, tentant de ne pas y penser, mais c'est vrai. Je suis là, là. Je suis là.